Après, sur Snapchat, pareil, Edinho-238. Et tu peux me retrouver sur YouTube, Edinho238, c'est ma chaîne YouTube. Ok. Ok, ok. En quelques chiffres, Edinho, c'est quoi? Edinho, c'est qui? Edinho, c'est combien? Sur la chaîne YouTube, il y a plus de 1792 abonnés. 12 clips sur ta chaîne que tu viens de donner là. Ouais. Et on comptabilise plus de. Waouh! Plus de 191 000 vues. Ouais, ça doit être ça. Okay. Allez! Et beaucoup plus, parce que j'ai fait que les arrondis de YouTube. Et... Puis après, t'as aussi, tu dis clip, mais t'as des sons, t'as vu, je les ai mis juste les audios. Ouais, tu vois. J'ai vu. Genre j'ai en vu. Tant que clip, en tant que tel, il y en a un peu moins. J'ai vu, tu peux finir? Vas-y, finis. Le clip le plus vu, c'est Bezak City avec 57K. Ouais. Et sur Insta, t'as quoi? T'as 1192 abonnés. Ouais, j'ai fait le tour à peu près. Ouais, c'est ça. Ok. Juste petite question comme ça. Pourquoi dans ta chaîne YouTube, il y a un clip de Daewood? Alors ça, c'est simple. C'est parce qu'au début, on avait un groupe. Mm-hmm. Et la chaîne YouTube, en fait, elle était sous l'entité du groupe. En fait, c'était moi qui la gérais, mais elle était sous l'entité du groupe, tu vois. Okay. Et si tu veux, bah, Maïdo à l'époque, le clipper, comme il avait déjà mon mail, parce que j'avais déjà travaillé avec lui, bah, pour des, je sais pas, raisons pratiques, je sais même plus comment c'était passé à l'époque, bah, il m'avait envoyé le clip de Wood, puis en fait, on l'avait balancé sur la chaîne, tu vois. Ok, ça joue. Et après, son départ à Mulhouse, t'as eu, ça, c'est ça vrai a que joué. C'est on est toujours proche, pas... tu vois, mais le groupe, il est plus là, tu vois. C'était quand il était encore dans le secteur, tu vois, mais après, on fait toujours des sons ensemble, tu vois. Okay, c'est okay. Vrai que des fois, au début, dans les premières diffusions de clips, tout ça, on pense pas forcément à ça, tu vois. On se dit pas. Il faut que je le balance sur ma chaîne, nanana, ma propre chaîne. Puis quelques années plus tard, t'essayes de retrouver le son, tu te rends compte que ouais, le son en fait il était publié sur une autre. Enfin bref. Ouais, même si tu regardes bien, même si t'as bien vu, je pense que t'as un peu épluché ça vu que t'as les stats vraiment précises. On avait fait un son juste avant, un clip nous deux. Ouais. Et notre groupe, tu vois, je sais pas si vous étiez au courant, mais genre en gros il s'appelait Homies Clan, tu vois, c'était ça l'ancienne. Yes. Après on a changé, tu vois. On en reparlera. Si. Il y a Rizzo qui est arrivé avec un casque, on ne sait pas, peut-être qu'il vient pour le concert des Daft Punk, peut-être qu'il était là sur un projet de drive-by nocturne, ouais, nous ne savons pas pourquoi. Il a quelqu'un à shoot après l'émission, mais il ne l'a pas dit, voilà. Tu vois. Donc j'avais prévenu Junes qu'il y avait peut-être quelqu'un qui allait arriver pour le schlasser, parce qu'il commence à chambrer les gens sur les basses, et du coup il y a Rizzo qui arrive avec un casque, casqué. Je dirais... Non, ce n'est pas un casque roof, mais c'est un casque plutôt inquiétant. Si, bon, ouais. Je vais faire la parenthèse, désolé les gars. Ok, donc du coup, c'est très bien que tu nous aies parlé de ça, parce que je voulais un peu voilà, parler de toi et puis de comment, enfin de tes débuts et puis comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Donc avant, si je comprends bien, t'étais pas forcément en solo en fait. Non, j'ai pas débuté en solo. Ok, donc t'étais avec Homies Clan. Ouais, et encore avant, j'avais un truc, tu vois. Encore avant. T'avais un autre... Ouais, en gros, si tu veux, j'ai commencé le rap, genre en mode... En 95. Ouais, à l'ancienne, avant, non, je traque. Non, ça, en gros, j'ai commencé, tu sais, freestyle à la cool, tu vois, avec les potos et tout, tu connais, tu vois. On s'en fout, tu vois. Et un jour, je me suis posé bah, avec Sapologue, tu vois, que tu connais très bien. Ok. Il m'a dit, vas-y, t'as un truc, tu sais. Viens avec nous, on a un petit studio bah, chez DJ Menace à l'époque, tu vois, à Montrapon. Il me dit, vas-y, on va aller. D'ailleurs, big up à lui parce qu'il m'a grave aidé dans mes débuts, tu vois. Big up à DJ Menace. Et DJ Bounce qui a repris juste après lui, d'ailleurs. Et si tu veux, il m'a dit, vas-y, viens, on va poser, tu vois. Il dit, vas-y, je suis chaud. Puis il avait déjà un groupe qui s'appelait Outsider avec un autre gars qui s'appelait Stark Walter ou Black à l'ancienne. Ouais. Et vas-y, j'ai commencé à poser avec eux, tu vois. Et c'est de là, en fait, que j'ai rencontré Oud. Okay. Et ensuite, après, je me suis connecté avec Ehud, tu vois, on a créé notre truc avec Ehud. Hein, après, lui, il est parti sur Mulhouse, moi, je suis resté sur Besançon. Okay. Puis voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça. Et du coup, toi, officiellement, t'as commencé en quelle année ou il y a combien de temps Alors, mon premier clip, il date de juillet 2015. Donc, tu vois, genre là, en gros, ouais, au mois de juillet, bah, ça fera 4 ans, tu vois. Bien, okay. On approche les 4 ans, ça fait 3 ans et demi, en gros. Si. D'accord, premier clip, puis où ça a vraiment pris, puis où j'ai vraiment commencé à m'investir dedans de manière plus sérieuse, c'est Bezak City 1. Yes. C'est-à-dire que ça fait 2 ans. Ok. Justement, je regardais un petit peu sur ta chaîne, tu vois les écarts entre les sorties des clips et tout ça. Et ouais. On voit bien qu'au début, ben, peut-être que tu te cherchais un peu, entre guillemets, exact. À faire... Je crois que c'était il y a 3 ans, je crois que c'était Bourbier. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le premier clip, tu vois ce que je te dis, il y a voilà. bientôt 4 ans. Donc il y a ça, et même quand j'ai regardé le clip, je me suis rendu compte que le titre c'était Edinho Bourbier Remix. Et même dans le clip, carrément, on voit ton ancien blaze. Ouais, bah après, voilà. ils iront voir, c'était Yankee, tu vois, voilà. ils iront voir, c'est trop con, tu vois. Exactement. Et, blaze, tu vois. Et tu vois, donc du coup, même moi, tu vois, qui te suis quand même depuis, je me souvenais même plus que c'était ton ancien blaze. T'as eu ou pas ? Si, si. Mais c'est vrai qu'en quelques temps, je trouve que t'as évolué. Et c'est vrai qu'il y a peut-être 10 mois, tu nous as envoyé une série de clips. Donc je pense qu'on en parlera après. Ouais. De Zach City, tout ça, tout ça. Et justement, je voulais savoir avec qui tu fais tes clips, avec où est-ce que tu enregistres, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ouais. On va commencer par les clips alors. Hein. Ouais. Vas-y, les clips, j'ai commencé à faire équipe avec Maïdo, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, un putain de bon gars, tu vois. Ouais, ouais. C'est genre, franchement, gros big up à Maïdo d'ailleurs, ouais, si tu nous écoutes, tu vois. Big up. Et bah là, malheureusement, tu vois, il a déménagé. Maintenant, il est du côté de Limoges. C'est-à-dire, mm-hmm. tu vois, ça fait, il est plus dans le secteur. Du coup, quand il va remonter, vas-y, hein, ça va faire des clips avec. Et puis, de toute façon, tu connais, hein, les connexions, elles se font. Il y a Gras, il y a des gens, il y a toujours des gens pour clipper, pour faire les choses, tu vois. Yes. Ensuite, niveau enregistrement, comme je te dis, j'ai débuté chez Menace. Okay. Après, vas-y, au bout d'un moment, ça me... Comment dire ? Pour moi, c'était bien pour commencer, tu vois. Mm-hmm. Genre, il t'apprend vraiment la base, comment ouais. poser, nanana. Vraiment. Oui, et puis c'est assez facile d'accès aussi. Ouais, c'est top pour commencer, tu vois. En plus, il est vraiment. Tu sais, il a vraiment un côté pédagogique, tu vois, avec ouais. les débutants, tu vois quoi. Donc, moi, quand je suis allé là-bas, il m'a grave apporté de l'aide, ouais. tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais, faut que j'aille voir peut-être ailleurs pour progresser un peu plus. Yes. Et c'est de là, après, via Maïdo, tu vois, j'ai rencontré un autre Maoré au quartier, tu vois, DJ Patro même. Ok. C'est chez lui que j'ai enregistré Buzak City épisode 1. Et j'ai commencé à poser là-bas. Et puis après, bah, maintenant j'ai atterri chez toi. Hein. Ok. Tu connais, hein, chez toi et Théo2S. Ouais, plus chez Théo2S ouais, que chez plus. Moi. Mais c'est voilà. Ouais, ouais. C'est la même, t'as compris. Yes. Si, si, si. Ah, mais bien. Mais tu vois, du coup, je me dis qu'en l'espace de 3 ans, t'as pu découvrir plusieurs studs déjà. Ouais. Bosser qu'avec un seul clipper, mais je crois que t'en as fait d'autres. Enfin, le clip Nemesis, là. Ouais, j'ai fait une apparition sur la chaîne Nemesis de Goya. Yes. Clipmaker, tu vois. Genre, c'est un petit qui débute dans les clips sur Besançon. C'est ton dernier projet sorti, ça ? Ouais, c'est mon dernier freestyle. Ouais. Yes. C'est mon dernier freestyle. Je rebondis un peu tardivement sur ce que t'as dit. Ouais. T'as dit que ça fait 2 ans que t'es un peu plus sérieusement sur le truc. Ouais. Mais en 2 ans, t'as 9 mois d'absence. Ouais. Donc c'est quoi le projet ? Le bail, justement, tu vois, c'est que... Comment ? J'avais saigné... T'es... Je sais pas comment dire. J'ai sorti mes freestyles à Buzak City. Ouais. Je pense que c'est à ça que tu faisais référence, ouais. tu vois. Ouais. Et j'avais plus trop d'idées en tête, tu vois. Sur comment le peu. Faire ou comment l'amener. Et il ouais. y est arrivé un moment, je me suis dit, vas-y, faut que je tente des choses, tu vois. Mmh. Et j'ai préparé un projet, tu vois. Là, je suis en cours de préparation bah, avec Chao et O2S, tu vois. Donc, il touche à sa fin. Et il y a certaines choses que je pense que je suis capable de faire aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire il y a un an, tu vois. Mmh. Il s'en est passé du temps, genre, pour te dire. Le freestyle Buzak City 1, le 2, mon texte dans le 2, et le 3 avec Touko, tu vois, ça c'est des sons qui sont sortis entre, bon, en gros dans l'année 2017, tu vois. Okay. En gros sur l'année 2017, parce que Buzak City 1 c'est vraiment fin décembre 2016, et le 3 c'est tout début janvier 2018, tu vois. Donc en gros, sur l'année, j'avais sorti ces 3 freestyles. Et vas-y, tu vois. Genre, j'avais fait ce que j'avais à faire, je pensais, tu vois. Et... Non, après, c'est bien aussi. Au bout d'un moment, c'est des sons, comme je te dis, tu vois, je les ai sortis en 2017, mais je te mens pas, c'est des textes et des idées qui dataient de plus vieux, tu vois. C'est des trucs qui datent vraiment, tu vois. Genre, mon dernier freestyle qui date d'il y a 9 mois sur ma chaîne, genre, le jour et la nuit. Et ben, c'est mon texte, allez, le plus récent que j'ai écrit, tu vois. Genre, en gros, tout ce que j'ai écrit courant l'année 2018 et fin 2017, je l'ai pas sorti encore. C'est-à-dire que je voulais faire une pause parce que ce que je faisais, c'était pas révélateur du niveau actuel que j'avais, tu vois. Je vois exactement ce que tu veux dire. Après, je l'explique entre guillemets. Je vais essayer d'être bref pour les auditeurs parce que je pense qu'il y en a qui connaissent pas forcément les processus d'écriture et tout ça. En gros, aujourd'hui, je vais écrire un texte. Demain, je vais peut-être trouver que mon texte, en fait, il est bidon. Exactement. Donc, dans le sens où peut-être que tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure des textes que tu écrivais, toi aussi, tu sentais peut-être que tu t'évoluais dans ton péra. C'est ça aussi. Au final, tu les as quand même sortis. Ouais, mais tu sais, quand t'envoies de manière régulière, tu fais pas attention à ça. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais faire une pause de 2-3 mois pour préparer un truc. Et je suis arrivé à la fin des 2-3 mois, je me suis dit, vas-y, ce que j'ai écrit, c'est tout pourri, tu vois. Genre, en gros, entre ce que j'avais écrit 2 mois avant et ce que je venais d'écrire maintenant, je me dis, vas-y, c'est mieux. Puis à chaque fois, je jetais à la poubelle ce que je faisais, tu vois. Et au final, ça prenait. Je concrétisais pas, tu vois, la chose. Okay. Là, c'est en phase de concrétisation, tu vois, et ça va bientôt arriver. Est-ce que t'as un titre à ton projet ou pas encore? Est-ce que c'est... Tu sais pas vraiment comment tu vas l'appeler? Est-ce que tu sais à peu près quand tu pourrais sortir? Je sais qui y a dessus. Ouais. J'ai la tracklist. Ok. J'ai les titres de tous les sons. Ok. Mais le projet, j'ai pas encore envie de dévoiler comment il va s'appeler. Si. Écoute... Quand tu sais à peu près quand il va sortir, n'hésite pas à nous contacter, comme ça on pourra Avant l'été. Avant l'été. Ok. Moi, j'aimerais le sortir courant mai, tu vois. Ok. Mai. C'est bientôt là. Tu vois, c'est bientôt. Hein. Okay. C'est vraiment bientôt. De toute façon, je dis aux auditeurs, là, j'ai quoi? J'ai 8-9 sons déjà pour le projet. De toute façon, tu sais bien, il y en a un qu'il faut que je fasse et deux à finir de mixer. Après, le projet, il est plié. Ok. Ouais, ça va vite être là. Ça veut dire que ça va vite être là. Ok. Bien. Moi, je voulais revenir un petit peu à toi, entre guillemets, en dehors du rap. Edinho, ça sonne lusophone ou ça sonne quoi? C'est quoi tes origines? Du Brésil, du Portugal. Aucun des deux. T'es originaire d'où, toi? Moi, je suis originaire du Cap-Vert. Cap-Vert, ok. Pour ceux qui ne situent pas où est le Cap-Vert, est-ce que tu peux dire à peu près où c'est sur une carte? C'est un archipel d'îles, tu vois, au large du Sénégal, en gros. C'est dans l'eau. De l'Ouest. C'est dans l'eau. Yes. Ouais, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Et tu parles, c'est quoi? On parle quoi au Cap-Vert? Soit tu parles le créole portugais, donc de là-bas, le créole de là-bas, soit tu parles le portugais, tu vois. Yes. Tu parles un peu, toi? Vas-y, moi, je parle pas, gros. T'as même pas un petit truc chez nous, à on parle pas. On parle pas chez nous. si. Motus et bouche cousue, poteau. T'as même pas un petit truc à nous dire en... Non, même pas un petit mot, un bonjour. Ou... Même pas envie. Tu pourrais même mentir, hein. Tu sais, bonjour. Dis arigato. Non. Cuidot. Si. Ok. Vas-y. Cuidot. Ok. C'est un mélange de cuisine et de pilote. Non, ça, c'est du créole, c'est pas du portugais. Okay. La cuidot, truc. Si. On ne sait pas. Et pareil, je reste encore un peu en dehors du rap pour. On en parlera après. En dehors de tout ça, c'est quoi tes kiffs? Je sais pas, moi, le ciné, le sport. Vas-y, moi, c'est. De toute façon, tu connais, hein, basket. Basket. Moi, c'est sport, basket, tu vois. Après, j'aime grave tout ce qui est cinéma, série. De ouf. Yes. De ouf. C'est quoi ta série, là? Moi, ma série référence ou la série que je suis en train de saigner en ce moment? Les deux. Bah vas-y, ma série référence, c'est The Wire. Ouais. Okay. Direct. Pour moi, référence pour moi, parce que tu sais, elle m'a trop touché, cette série, tu vois. Mais celle que j'estime, là, que j'ai vue au jour d'aujourd'hui, tu vois, la mieux réalisée, la plus forte, c'est Game of Thrones. Ok. Mm-hmm. Et t'es de quelle maison, toi, dans Game of Thrones, du coup? Maison Targaryen. D'accord. Je te voyais comme ça, je te voyais comme un sauvageon. Sauvageon, t'es le meilleur, toi. Voilà. Non. Si. Non, Jon Snow, c'est le meilleur. Si. Ok. En fait, j'ai spoilé. ouais. Genre, désolé pour ceux qui sont qu'au début, fort, mais voilà. Faut être au courant quand vous écoutez la 25e. Des fois, il y a des choses qui partent. On peut partir. On maîtrise pas tout. Jon Snow est mort. Merde. Yes. Bah, revenons un peu au rap. Du coup, vas-y. Tu nous as beaucoup parlé de Buzzac City. Ouais. En fait, dans les sons que tu m'as donné, il y a Buzzac City 3, donc avec Touko qui est présent. Tu peux dire bonjour, Touko. Bonjour. Touko, c'est en référence à Breaking Bad ou pas du tout? Non. Non, rien à voir. Pas du tout. Alors pourquoi Touko, du coup? Salamanca. C'était vraiment c'est un blast qu'on t'a donné comme ça ou Ouais, c'est un blast qu'on m'a donné depuis petit. Ok, d'accord. Si. Donc Touko, du coup, ils ont fait un feat ensemble. Donc c'est Edinho, Touko, Buzzac City 3, RDB. Donc exact. Pour ceux qui connaissent un minimum. C'est la zone de Touko, RDB. Bah, je vous laisserai chercher où est RDB. Voilà. C'est sa zone à risque. Sur Google. Voilà, vous googlisez ça. Et justement, parle-nous un petit peu de Buzzac City. De quoi c'est parti, comment c'est parti. Et comment c'est parti? S'il y avait vraiment un projet ou tu vois, si bah en fait, comme ça. C'est simple comment c'est parti. C'est parti d'une. En fait, j'avais un objectif qui n'a jamais été atteint pour plusieurs raisons. Quel est-il? En gros, je connaissais plusieurs rappeurs, plusieurs personnes qui rappaient dans plusieurs quartiers de Besançon, tu vois. Et si tu veux, j'ai lâché le premier freestyle, le premier Buzzac City à Planoise, tu vois. Ouais. Du coup, tu regarderas bien, il s'appelle épisode 1 Planoise, tu vois. Mm-hmm. Et j'étais censé enchaîner avec Buzzac City épisode 2, le 2 que nous on a fait avec plusieurs MC, ça devait pas être le 2. Okay. Le 2, ça devait être un son avec Ehud qu'on a clippé au 408. Donc l'épisode 2, ça devait être Buzzac City 408. D'accord, ok. Sauf que pour des raisons techniques, extérieures. Ouais, par rapport au clipper, ouais. Le son, si tu veux, il est jamais sorti. Ok. Après, Ehud est parti à Mulhouse, tout, il y a eu les complications. Et au final, le son, il a dormi. Puis au bout d'un moment, nous-mêmes, on s'est dit, vas-y, tu sais, on n'a plus le même niveau qu'avant, ça n'a rien de le sortir, vas-y, on le laisse de côté, tu vois. Et on ne l'a jamais sorti. Ok. Ensuite, le Buzzac City 3, à la base, devait le faire avec un petit des Orchans qui s'appelle Samos. Ok. Sauf que lui, il a arrêté de peura. Ok. Donc pareil, entre-temps, il a arrêté de peura, donc ça, c'était mort. Du coup, après, je me suis dit, comment je peux essayer de redynamiser, tu vois, le concept. Du coup, je me suis dit, je connais des MC d'un peu partout dans Besançon. Vas-y, je vais les rassembler sur un son. Si. Donc, ce qui a donné l'épisode 2 avec Mouf, toi, CO2 Eskederer, Kevo, moi, tu vois. On a clippé ça. Puis après, l'épisode 3, tu vois, j'ai vu que le petit Touko il kickait. J'ai dit, vas-y, on va faire ça. Hein, à la cool. Hein. Yes. Puis vas-y, il est sorti. Ouais. Moi, franchement, je trouve que c'est bien, tu vois, qu'il y ait des gars... qui est pas forcément 5 ans de rap pour réunir des gens, tu vois, à Buzzac. Ouais, mais en fait, c'est ça qui a donné naissance. C'est le premier, en fait. L'impact que le premier, il a eu. Je me suis dit, vas-y, tu sais, j'ai pas fait des millions de vues, tu vois, mais à l'échelle de la ville, et ce qui se fait sur la ville, c'est un gros clip, tu vois. C'est consistant. Ouais. Et je me suis dit, tu vois, si j'en fais pas profiter les gens que je connais autour de moi, je suis un gros enculé, tu vois. Ouais. Tu vois Donc j'ai essayé d'amener... les gens petit à petit dans le truc, tu vois, et c'est pas fini, tu vois. Ce sera peut-être pas forcément sur la série Buzzac City, parce qu'au bout d'un moment, faut changer de concept, faut changer d'objectif. Mais mon objectif, ce sera toujours d'amener des gens, tu vois, que je connais autour de moi, tu vois. Si. Et c'est tout, tu vois, c'est né comme ça. Lourd. Donc là, du coup, je vais passer deux sons. Donc c'est bien que t'aies parlé d'Eoud aussi, parce que là, je vais passer le Buzzac City 3, donc avec Touko. Donc pour ceux qui veulent voir le clip, c'est sur YouTube. La chaîne Edinho 238 Edinho Touko Buzzac City 3 RDB. Et dans la foulée, je mets Edinho Fit Ehud. Donc c'est bien que t'en aies parlé sur le Ghost 4 Palpable. Voilà. Palpable. Qu'on avait enregistré d'ailleurs celui-là. Ouais, c'est toi qui l'as enregistré. Il est sorti il y a 4 mois. Yes. Donc au passage, big up Ehud, big up Touko. Merci d'être là. Merci à vous. On balance. On est dans la 25e, 22h minuit, spécial Edinho, mon pote. Si. This is SM Beats. On est dans la merde, carré dans Philippe Banks, ego, on est dans la merde, bah ouais, dans la merde. on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais. On est dans la merde, calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah les guitares ouais. Se capuchaient sous le Porsche, avec en tête de péter une Porsche. Mets les poings sur les i, dans le fond j'suis hanté. T'es tombé au star, tu t'es fait soulever. Tu t'es fait soulever, au final t'as pas de quoi te vanter. Non, t'as pas de quoi te vanter, au final t'as pas de quoi te vanter. J'reste focus sur ce que je vois, j'ai l'idée fixe. J'suis tombé dedans tout comme Obélix. J'vois ma potion magique, j'vais les baiser tellement fort que tiens, ce sera tiens. Du classé X. Femme sur le go de quartier là, j'vous ai ramené tout court pour un attentat. Ouais. C'est écrit dans le texte, on s'évade, on flex, on les baise. Une femme est une pute si le maquiller. On veut une femme belle sans se maquiller. Résistant dans le rap, bienvenue dans mon maquis. Je donnerai pas à mon cul comme une pute au paquis. Un flow piquant, sauce et harissa. Je vais les manger avec du bissap. Bah ouais, négro, avec du bissap. Je vais les manger avec du bissap. Si la frappe est céleste, dis-leur que c'est nous. Y'a devant Dieu qu'on se met à genoux. Tes gars sont cramés, y'a des putes dans le secteur. Réglés comme un coucou pour qui je suis allé. J'ai décollé Bancou. D'autres qui opèrent dans le four. Ta sœur a un côté Schmitt. Comme la 3-7, elle fait que donner tout. Dans la merde, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais, dans la merde, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais, dans la merde, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais. On est dans la merde, calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais. Parlez pas trop, vous pouvez pas tester. Une balance qui parle, c'est la balle dans la tête. C'est plus des salopes, ni des khemja. Elles donneraient leur cul, c'est du bénévolat. Balaye tes gadis, balaye tes cagettes. T'es comme cet enfant qui fait tout en cachette. Ah ouais t'es costaud, ah ouais t'as pas peur. Le mal que t'as fait reviendra à ta mère. C'est que le principe, plus de valeur. Stop la justice, je suis le père fondateur. Fonder des familles pour tout casser. Après je me demande à présent si ce monde a un cœur. Je me réveille, j'affronte le monde à 500. Plus de 500 salopes à vos côtés. Ils font les grossistes. C'est des mineurs, mineurs à midi, réouverture du chantier. Ouais, c'est la même merde, les petits veulent faire le bifton. Grand frère, m'a dit petit frère, la rue c'est pire que la prison. Ici, faut faire ses preuves, la rue nous rend méchants. La haisse, on la déguste, dégaine plus vite que ton arme russe. M'appelle pas le chayou, m'appelle pas le sang. Toi et moi, on est que des connaissances. Qui va tester la rue, testera le helps. Ton daron encore le nez dans la cesse. Tu es insensible, le cœur de pire. Boulage extrême pour un nique ta mère. Pour un nique ta mère, boulage extrême pour un nique ta mère. Dans la merde, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais, dans la merde, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais, dans la merde, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. Bah ouais, on est dans la merde. Calé dans le fond du Banks, Igo, on est dans la merde. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Crac-crac radio sud.net. 101.8. Yes, c'était Edinho, Fituko, Bezak City 3. Ouais, RDB, il ouais. Y avait un mec énervé à la fin là, je sais pas ce qu'il dit. Miskin Naël, il est au hype. Ciao. Big up à Naël, hein. 30 secondes, attendez, je reçois des appels. Ah putain, je crois que c'est encore les appels cagoulés. Foiré. Je crois que je ressens encore un appel cagoulé. Ah, ça, il l'a fait. Tu peux... Attends, je vais juste décrocher, bougez pas les gars. Allô ? Ouais, la 25e, ouais. Ouais, j'ai une petite question à poser à Edinho, là. J'ai vu ton dernier clip, Maria, que t'as sorti le 25 janvier 2019. Ah, elle est lourde, hein. Franchement, pète sa mère, hein. Mais une petite question. Pourquoi tu ressembles pas au mec du clip, en fait ? Quand je vais sur ton Insta et quand je vais voir le clip, c'est pas les mêmes gars. T'as pris un figurant ou quoi ? Ah l'enculé ! Je sais pas qui c'est, ça s'appelle cagoulé. Vas-y, poto. Tu peux répondre au Google quoi. Je sais pas si tu fais nuance à ça, mais il y a un gars gros sur YouTube. Je sais pas si c'est un son de lui parce que je suis pas du tout, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a un gars. Carrément, il a pris le même blaze que moi. Tu vois, après c'est du hasard, hein. Je dis pas il a recopié ou quoi, tu vois. Ouais. Et genre en gros. Il a sorti des sons, non j'ai vu, il a sorti après moi, tu vois. Mais tu sais pourquoi ça me fait rire à chaque fois qu'on me parle de ce gars? Un jour, je prends mon téléphone, je reçois une notification YouTube. Je clique, je vois un commentaire. C'est vérifiable, hein. Tous les gens ils peuvent aller voir. Sur un de mes sons, je sais plus c'est lequel. Une meuf, elle commente, elle met, ouais, T'as volé le nom des Didio. Putain, t'es un suceur. Carrément, c'était violent, tu sais. Moi, j'ai rien demandé. T'as vu ou pas, c'est... Trouve, vas-y, tu suces le buzz des gens. J'étais mort. Mec, ça se trouve, il y a Nino, il va même t'appeler, il va dire, ouais, t'as sucé la fin de mon nom. Ah, attends. Ah, putain, merde, ça continue, ces conneries. Ouais, ça continue, attends. Mets-toi en mode j'attends, mais je peux pas. On m'appelle, je dois répondre quand même. Vas-y, attends, je réponds. Allô, c'est qui là? Allô? Ouais, merci, Chao et Dunes, déjà de me permettre de poser ma question. Pas de quoi. Là, c'est Edinho, le vrai Edinho, Edinho l'officiel, tu vois, sur YouTube. J'ai une question pour Edinho, du coup, le pas officiel. Gros, on a le même blaze, comment on fait? Parce que moi, j'ai plus de vues que toi. Va te faire enculer, Pouzo. Ou si tu veux, tu fais quoi? Moi, je suis pas de blaze. Va te faire enculer, allez. Ah, vas-y, attends, du coup, c'était le vrai Edinho. Vas-y. C'est quoi le délire? Vas-y, je raccroche. Vas-y, raccroche, mon pote, on veut pas de lui. Je coupe tout ça, putain. Ouais. On va le laisser en monologue. D'ailleurs, tu sais quoi, quand tu viens aux émissions, gros, mets-toi en mode avion. Ouais, vas-y. Là, c'est déjà suspect qu'il y ait des gens comme ça qui aient ton numéro, Junes. Je traîne dans les endroits un peu sombres. Vous savez, quand on termine à minuit, après, on sait pas trop où il va, Junes. C'est jamais dans quoi il termine. Dans le noir. Si. Bon. Écoute, merci de m'avoir coupé dans mon déroulement. Ouais. Moi, j'avais dit que je mettais Edinho et Oud. Ouais. Ghost Cat, palpable. Donc, je vais le mettre. Puis après, on enchaîne. Vas-y. Ça, je saute direct. Pas les mêmes putes, pas les mêmes modes. Belzébuth, il est dans le mood. Avec Vamso, on est dans le hood. Les junkies, passe au fast food. Passe au fast food, ouais, passe au fast food. Les junkies, passe au fast food. Passe au fast food, ouais, passe au fast food. Passe au fast food. Je la démonte, tu fumes sur ton camas. Tu ralasses, on en tasse au ramasse. Sur le bidon, t'exploses comme le Hamas. Si t'as pas son temps, poteau sera infamasse. La route tourne comme un barillet. Moi c'est sur ma chance que j'ai dû parier. J'ai vu des junkies faire des TGV pour ensuite dérailler, canner du nodé. Ramonner le beat, casser des prods, on aime ça. Bon mon feu, il passera mieux avec du smecta. On joue carte sur ta paire d'as. Dans la manche fixe, insolemment le temps de placer mon 8. On dit ce qu'on fait, on a des choses à faire. Certains parlent trop, il ferait mieux de se taire. Il ferait mieux de se taire. Certains parlent trop, il ferait mieux de se taire. Des silhouettes North Face se baladent dans le noir. Y'a des traces de drogue dure partout dans les couloirs. Viens pécho mon son et consomme mes 16. Un flow carache à tête, un peu comme Louis XVI. Ils m'ont vu rapper, ils m'ont trouvé énorme. Le flow débité, ils m'ont dit t'es hors norme. Ils m'ont dit t'es hors norme. Le flow débité, ils m'ont dit t'es hors norme. C'est des nords comme les fonds du canon. Oh, baby la patate et la feuille des canards. Bébé tchawa basana kanda. Si tu parles au compte d'état, si me la sentence. L'atmosphère est palpable. L'atmosphère est palpable. Il est 22h40. Les flics s'apprêtent à rentrer dans les garages. Prêt pour la guerre comme au Corée. Aux samba les couilles de tes connaissances. Tard les soirs j'allume un doré. J'ai vers l'Afrique et c'est d'oléance. D'où je viens tout le monde me connaît. Des plages j'ai pas donné. Ghost 4 et grosse claque. Et où des dieux la connexion. Papa m'a dit isoler en bafard. La misère en barbare. Qui s'inquiétait parce qu'il m'a vu fumer du jus en bas du bloc avec trois barbus. Les Yankees et crades, c'est pas la varicelle. Ils savent très bien que le prix ne varie pas gros. Dans les sous y'a pas d'amitié. Donc si c'est pas 50-50 gros vas-y seul. Nous raconte pas ta vie gros sans pas la race. Ici les jaloux ont des jumelles. À ce qui paraît j'ai baisé Diana dans le tunnel. J'ai t'enfuis dans l'avion avec balavoine. Ça pue sa mère et voit tes paragraphes. Ramène du toast mais on va pas parler chinois. Par contre c'est à la police on parle arabe. Ils cherchaient du shit il est pas là-bas. Tu disparais quand t'es bien, tu reviens, t'as plus d'argent. Les négros comme toi, gros, ça sert à rien. Comme une meuf qui a les yeux vermins qui pue de la chatte. Chaque à l'attitude est morphale. Ne fais pas les fous, tu vas morfler. Aller faire un câlin à morpher. Sentir la douleur sous morphine. Et si tu esquives les droits, tu rentres avec des morsures. Gros, je découpe les morceaux. Pour eux, c'est la morsure. J'suis avec mes you, vois mes crapules. La police m'a pas apprise. On doit tous la vie à quelqu'un. L'ange de la mort se trompe pas dans les calculs. Tout est nord comme les fonds du canon. Bibi la patate et la feuille des canards. Bébé tchawa basana kanda. Si tu parles au compte d'état, sime la sentence. L'atmosphère est palpable. L'atmosphère est palpable. Il est 22h40. Les flics s'apprêtent à rentrer dans les garages. Prêt pour la guerre comme au Corée. Au samba les couilles de tes connaissances. Tard les soirs j'allume un doré. J'ai vers l'Afrique et c'est d'oléance. J'ai bien tout le monde me connaît. Des plages, j'ai pas. pas donné. Ghost 4, grosse claque et Oudé Dion, la connexion. L'atmosphère est palpable. Que ou des dieux la connexion. Radio sur la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yes, vous êtes toujours dans la 25e, 22h minuit. Il est 23h30. Ça shoot. Une demi-heure, je sais pas. Il y a un mec qui fait du lancer de téléphone portable dans les studios, je ne sais pas. Ça shoot. Pour ceux qui ne savent pas, ça doit être sûrement Théo2S. Merci pour les téléphones que tu casses dans l'émission. Donc c'était Edinho et Oud Ghost 4 Palpable. Si je ne me trompe pas, le clip a été fait par Donatenkova. Donatenkova, clipper de Strasbourg. Clipper de Stras. Exact. Si, le clip est vraiment bien. Ah, moi, j'ai bien très, kiffé le clip. Très, très, très gros clipper. J'ai bien kiffé le clip. On va repasser dans le mode... Il est bête. on va repasser dans le mode interview. Tu vois, là, J'aimerais avoir un peu de précision sur tes influences, un peu ton point de vue au niveau du rap. Et je voulais savoir, pour toi, si tu avais trois albums références que tu devais nous donner maintenant, quels sont tes trois albums références? Je vais classer le rap en trois catégories. Oh. Ok. Donc... Je dirais... Parle bien dans le micro, s'il te plaît. L'album qui m'a... Ouais, attends. L'album années 90, on va dire qui m'a le plus... que j'ai le plus écouté. Ouais. En toute sincérité, parce qu'après, j'ai écouté des sons. Tu vois, les sons à l'ancienne, les sons reconnus classiques, j'en ai écouté beaucoup, tu vois. Mais des albums, j'en ai pas écouté beaucoup, tu vois. Mais les premiers albums de Lunatic, je les ai pas mal écoutés, tu vois. Yes. Genre, franchement, L'Homme de l'Ombre, c'est un de mes sons... un des sons que je kiffe le plus, tu vois, si. À l'ancienne. Ensuite, dans les années 2010, c'est un peu après 2010, mais pour moi, c'est l'arrivée de Kaaris, c'est le... pas la trap. Parce que les gens qui disent la trap, ils se trompent. C'est n'importe quoi. Kaaris, c'est de la drill. La trap, c'est Niska qui l'a ramené. Okay. Kaaris, il a jamais ramené la trap, c'est la drill. La drill, c'est le mouvement de Chicago. Pour mais info. Jounes, tu l'as influencé en mettant du Kaaris Ouais, on dirait. Hein. Attends, je vais changer. En plus, il l'a mis. Ouais. MG63 derrière. Ouais. Tu vois, il lui met pas n'importe quoi, non, mais sinon il va dire des son bêtises. Son, non mais son son, t'sais, son album là, Or Noir, ouais. Il était incroyable de la première à la dernière piste. Yes. Même carrément, j'étais allé le voir en concert à la Rodia, il était venu à Besançon. C'était n'importe quoi, c'était la jungle. J'ai jamais vu un concert comme ça dans toute ma vie. Si. Tout le monde connaissait les sons par cœur, c'était n'importe quoi. C'était le ghetto, c'était la jungle. C'était même pas le ghetto, c'était la jungle. Si. Ou pas. Mais c'était incroyable. Il dégage un truc sur scène, un truc de ouf. Si. Donc Or Noir, c'est vrai que d'ailleurs aujourd'hui, il y en a beaucoup hein, qui disent il est où le Or Noir, le Kaaris de Or Noir du premier. Ah, on le reverra pas, ça y est, ciao, ça fait 6-7 ans, ça y est, il a pris son argent. Voilà, il a fait. Tu sais, il s'est mettre j'aimerais tellement qu'il refasse des trucs comme avant. Mais c'est pas possible, tu vois, genre ça y est, il a plus rien à prouver là-dedans, il a tout niqué là-dedans, il essaie de faire d'autres choses et même qu'est-ce que tu veux lui dire? Le mec, il fait peut-être disque d'or avec Or Noir, mais il va te taper des disques de platine en faisant du poney. Comment tu vas dire au mec, fais pas de poney s'il gagne 4 fois plus d'oseille, tu vois ou pas? Tu sais, c'est comme les gens qui reprochent à Black M. Non, faut qu'ils mangent, ces gens-là. Tu vois. Moi, j'écoute pas à Black M, tu vois. J'écoute pas à Black M, tu vois, mais tu veux, hein. Au début, à la section d'assaut, j'écoutais, tu vois, à ses débuts. Casser les gueules, hein, à l'époque. Ça, c'était n'importe quoi, les freestyles dans les boutiques, tout ça. Avec FIF et tout, caler les films à l'époque, c'était n'importe quoi. 9e ça, ouais, ça c'est non, mais en vrai, c'était la folie, tu vois. Même Lefa, par exemple, à l'époque, c'est kicker, c'est un des plus. Tu vois, depuis que je suis le rap, vraiment, tu vois, c'est un des gars que j'ai trouvé qui kick le mieux, tu vois, en termes de flow et de technique, tu vois, depuis que je commence à suivre, tu vois. C'est un des gars qui m'a le plus marqué, tu vois. Si. Mais maintenant, ces des gars, je les écoute plus du tout. Mais après, vas-y, Black M, il remplit des concerts, des salles de concerts. Il fait des tournées, laisse tomber. Il gagne. Je sais pas combien il gagne, tu vois, le gars. Il vend des 300 000 albums quand il sort un disque. Comment tu veux lui dire, fais du freestyle pour 50 loups bars? Pas possible. Bah non. Il y a des choix de carrière. Hein. on va dire ça. Et après, vas-y, Nino après. Nino. Maintenant, c'est Nino. Si, si. Nino. Ok. Bellec, il va te faire un procès, hein, je veux dire. Ouais. Et Nino. Nino, Dawuzi, tous ces gars-là, tu vois. Et à part le rap, est-ce que t'écoutes d'autres bails? Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, des autres influences ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être que t'écoutes que du rap. Vas-y, je te mens pas, j'écoute... Déjà, j'écoute du rap, mais tu sais, j'écoute tous les styles de rap. Parce qu'aujourd'hui, t'as plein de styles de rap, tu vois. Et franchement, moi, je suis grave ouvert à tous les styles de rap, tu vois. Ouais. Et ça fait déjà un tel volume de musique... C'est vrai. Que j'ai pas trop le temps pour tout ce qui se passe autour. Tu vois, tellement le rap français il a pris d'ampleur et il y a tellement d'artistes que pour te dire, au jour d'aujourd'hui, j'écoute quasiment plus de rap américain. Tu vois. Okay. Alors qu'avant, j'écoutais que ça, tu vois. Vas-y, après, j'écoute ce qui tourne. Ouais. Après, j'écoute des chansons françaises à l'ancienne, tu vois. Du genre ah, Serge Gainsbourg. Okay. Ne mens pas, tu vois. Bonnie and Clyde, Initial BB, tout ça. Okay, j'écoutais, okay. Tu vois. Si, si. Genre parce que ces gens, tu vois, Gainsbourg, c'est un gars. Il m'a toujours fait kiffer parce que son personnage, il est trop crapuleux, tu vois. Même si c'était pas du rap, il était trop crapuleux. Ouais. Il était gangste. Bah c'est, il était c'est trop... Al Capote hein, qui reprend Serge Gainsbourg, tu vois. Donc je pense qu'il a, il a eu une influence aussi sur le peurin. Hein. De ouf, de ouf, de ouf. Si, si. Ok. Et s'il y avait un artiste, quand je dis artiste, c'est tout art confondu, ça peut être aussi un sportif, hein, qui, tu veux, qui t'inspire. Vraiment quelqu'un qui est un modèle pour toi, ce serait qui? LeBron et James. LeBron James. Ouais, tout simplement. C'est... Si, si. Et le mec, plus il vieillit, plus il est fort. Ouais, si, si. Ouais, plus il est costaud, j'ai l'impression. Ouais, aussi. C'est comme le vin, il devient meilleur avec l'âge. Ouais, si, si. Ok. LeBron James, si, si. Et toi, tu te considérerais de quelle école? Tu serais plus, je sais pas, old school, plus new school? Mixte school, tu vois. Vas-y, je sais pas, ça dépend. Tu parles à l'échelle locale ou dans le mouvement du rap en soi? Bah, on va déjà partir du local. Du local, moi je pense que je suis au milieu, tu vois. Ouais. Genre en gros, vas-y, j'ai 21 ans maintenant. Mm-hmm. Tu vois, c'est jeune encore, tu ouais. vois. Mais ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai commencé, tu vois. C'est je vois, il y a des petits, ils ont 17 ans, ça fait un an ils rappent, tu vois. Mm-hmm. Bah, comme Touko, tu vois, qui est à côté, tu vois, même pas un an, tu vois. Et après, je vois bah, les anciens comme toi, maintenant que vous êtes des anciens, tu vois. Vous n'êtes pas les plus anciens, mais vous êtes des anciens. Tu te sens un peu au milieu d'un truc. Ouais, quoi. Voilà, au milieu du bail, tu vois. Et même, tu vois, paradoxalement, quand j'ai commencé à rapper, même moi-même, moi, quand j'ai commencé à rapper, il n'y avait pas de trap, drill, je sais pas quoi. Moi, j'ai commencé à rapper, je m'entraînais, tu sais, c'était sur des instrus, vas-y, des instrus de Mobb Deep, des instrus d'Outkast, que des trucs comme ça, tu vois. Des trucs assez à l'ancienne, tu vois. Des instrus de Snoop Dogg à l'ancienne, Dr. Dre, tu vois. Et après, bah, comme. Bah, tu sais, j'ai grandi avec ma génération, tu vois. Donc, bah, après, j'ai été bercé dans la trappe, tu vois, quand j'étais plus jeune, depuis plus jeune, tu vois. Du coup, bah, vas-y, je me suis lâché dedans, tu vois. Mais après, c'est pas particulièrement le style de rap que je préfère non plus, tu vois. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'es peut-être plus à l'aise sur de la trappe ou si on te met un bon vieux boom bap, entre guillemets, tu peux kicker ou... En fait, je vais être à l'aise. Sur l'un comme sur l'autre, juste quand tu vas écrire un texte rap, moi je trouve, hein, quand j'écris un texte rap, il va pas passer sur des instruments à l'ancienne, tu vois. Okay. Parce que les mesures elles sont pas pareilles, la manière de poser c'est pas la même. Du coup, j'aurais pas les mêmes genres de textes, tu vois, et je pourrais pas caler un texte sur, de trap sur une instru old school, tu vois. Ouais, et inversement. En fonction de l'instru, en fait. Voilà, c'est ça. Si, si. Yes. Et bah, du coup, en parlant de old school, new school, nanana. Pour toi, l'évolution du rap, qu'est-ce que t'en penses? Elle est incroyable. Ouais. C'est magique. Les gens qui disent le rap c'était mieux avant, frère, faut qu'ils aillent se coucher. Hein. Moi, je te le dis sincèrement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, t'en as pour tout le monde. Ouais. Tu vois? T'en as pour tout le monde, et le rap, c'est le style de musique qui vend le plus en France. Pendant des années, même tout à l'heure en off. Quand on n'était pas à l'antenne, Junes, il dit qu'il s'est battu pendant des années pour avoir le studio à Mon Rapon. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, il est là, il y a des petits qui peuvent poser. Bah là, c'est pareil. Il y a des gens dans les années 90, ils se sont tués pour imposer le rap comme musique numéro 1. Et maintenant qu'elle est numéro 1, faudrait qu'on se plaigne. Hein, je ne suis pas d'accord avec ça. Si, si. Merci. Merci pour cet avis bien tranché et bien efficace. Moi j'ai remarqué aussi que tu faisais beaucoup de feat, tu vois, de featuring, de connexion. Ouais. Et du coup, j'ai mon ami Junes qui t'a préparé un petit jeu. Ouais, même pas. Parce que, parce que bon, Eddy, t'es là, tu fais des sons avec des gens, tout ça. Mais moi, je veux juste savoir si tu connais les textes de tes invités. Ouais, vas-y. Sur tes sons. Donc, je vais te tester sur quelques sons. Alors, bouge pas, que je t'envoie ça. Faut que tu me dises qui c'est et que tu me dises la phrase qui suit. On est parti. Attends, la phrase qui suit. Ouais. Ok. Attends, on va récapituler la règle du jeu. Jonas, il va te mettre un extrait d'un son que t'as fait avec un mec. J'ai pas parlé français ou quoi? Si, mais je leur dis parce que j'ai vu qu'il était un peu chamboulé. Là. Ouais, je pensais pas s'il allait me le dire a cappella ou s'il allait m'envoyer un extrait, t'as capté? Il t'envoie un extrait. Vas-y. La phrase s'arrête. Tu dois dire la phrase qui arrive après, tu vois. Vas-y. Et ce qu'il a gagné, c'est le pack chicha de Chao. Ouais, il essaye de bicrave sur Snap. D'ailleurs, merci mon ami. Il y arrive pas. Merci mon ami qui m'a acheté ma chicha ce soir. Je te remercie. Ah merde, t'as plus rien à gagner. Cadeau. Du coup, t'as plus rien à gagner. Il y a un chocobon dans la poche. Non, mais c'est un méga chocobon, t'inquiète. Vas-y, on part pour le premier extrait, gros. Vas-y. Let's go. Augmente le son des terres dans le gamos. Mes négros seront ratés comme Sergio Ramos. Bah ça c'est Kevo ça. Ouais, et c'est quoi la... Donc il m'appelle non G plus R. Vas-y. Allô, je suis en voyage d'affaires. Ah, on va écouter la réponse, l'extrait entier. Augmente le son des terres dans le gamos. Mes négros seront ratés comme Sergio Ramos. Yonk, il m'appelle non G plus R. Désolé, je suis en voyage d'affaires. Big up Kevo, big up. Le chocobon est en approche. Ah là là. Bon, on passe sur le deuxième extrait. C'est parti. On se balade sur la ville, c'est le 25 000. Gramme sur la plage. Bang, bang. Dans la mer. Ça navigue. C'est quoi? C'est le 25 grammes. Vas-y, remets-le. Parce que je te l'ai dit, mais je me suis emmêlé après. On se balade parce que sur la ville, c'est le 25 000. Gramme sur la pesette. Bang, bang. Ok. On va vérifier ça tout de suite. On se balade sur la ville, c'est le 25 000. Gramme sur la pesette. Bang. Le chocobon est en approche. Totalement, chacal. Le chocobon est en approche. Allez, on a un dernier extrait, gros. Allez, vas-y. Ça, si tu l'as, c'est chocobon, plus Kinder Surprise, tout. Puis on va aller récupérer la chicha, t'inquiète. Ouais, c'est la même merde. Les petits veulent faire le bifton. Grand frère, ma dit petit frère. Attends. Déjà, t'as pas le droit de. T'as... Parce que le protagoniste est là. Je dis rien. Mais tu dis rien, parce que sinon, il va tout pas partager son bifton. Bah, c'est tout con, cool, tu veux que je te dise. Ouais, mais bon, vas-y. Moi, je veux la suite du texte, en fait. Tu veux que je te le remette ou pas? Ouais. Bélec, tout court, tu vas lui faire un bail si tu trouves. Ouais, c'est la même merde. Les petits veulent faire le lifton. Grand frère, m'a dit petit frère. La rue, c'est pire que la prison. Bang, faut faire ses preuves. On se balade sur la. Ouais, c'est la même merde. Les petits veulent faire le lifton. Grand frère, m'a dit petit frère. La rue, c'est pire que la prison. Et un chocobon. Chocobon. C'est bon, t'as gagné ton chocobon. Aïe. Et donne-moi le contact de ton gars pour la chicha là. On va aller la récupérer en loose day. Comme Jaja. En loose day comme Galas. Laissez-le se délecter de ce nectar. Ok. Tu sais quoi? Non, Jonas, c'était quoi? Laisse un petit peu tourner. Ouais. Je te propose de faire une mini pause de 2 minutes. Ouais. 2 minutes, juste le temps de préparer le freestyle. Ouais. On va terminer par un freestyle. On arrive dans le dernier quart d'heure. On rend l'antenne à minuit. Donc Eddy, le temps que tu prépares tes bails tranquillement, on fait une pause, 2 minutes, et puis après c'est parti, on envoie ça. Vas-y. Le cœur plein de cicatrices, j'suis en very pas trip. On fait l'amour puis la guerre, on fait la guerre puis l'amour. De toute façon les deux mènent à la mort, les deux laissent un goût amer. Dans tous les cas c'est la merde. Donc c'est souvent seul que j'opère, seul quand j'allume mon saupère. C'est pas demain la veille, je donne mon huc pour oseille. J'en attends que la paye, pour le pire et le meilleur. Grosse blip remplie de haine, la fumée part avec la peine. Des larmes de sang dans les veines, je suis comme si c'était de l'oxygène. J'suis high. Il faut des billets pour de vrai, chiffre du loto sur le texte. Pour la monnaie sans regret, billets sur le texte. Billets sur le texte, j'avais des zéros sur le bulletin. Pensez aux zéros sur le bulletin. Ma mère aimerait me voir sourire, mais c'est la merde, je dois me nourrir. Certains aimeraient me voir courir, ces fils de pute doivent mourir. Tu fais mon blé, je suis mon boss, titulaire à mon poste. J'suis en flamme, j'ai la force. Venez, yeah. Poteau, poteau, je veux plus voir ma mère aller à l'hosto. Putain, si je sors, il faut que j'entre avec le butin. Je suis dehors, je cherche de l'or. Je ne mords mais pas de remords. On verra quand on sera mort. Je finis ma conce d'abord. Je fume sinon je perds la boule. Dans ma tête, je perds la porte. Tous mes négros sont hardcore. Pas de cinéma pour une poule. Donc je les baisse puis je me barre. Jeune génie ou jeune barre. Je tourne cette fois ma langue dans sa bouche. J'essaye d'agir plus que je ne parle. J'aime pas trop les paroles en l'air. Plus rejoins et moi j'ai en l'air. Le cafard habite dans ma tête. Le cafard est tombé dans l'air. Désolé mon cœur à la flemme. Moi j'attends la paye. J'attends le loto, j'attends la paix. Il faut des billets pour de vrai. Les chiffres du loto sur le texte. Pour la monnaie sans regret. Billets sur le texte. Billets sur le texte. Y'a des zéros sur le bulletin. J'pensais aux zéros sur le bulletin. Ma mère aimerait me voir sourire. Mais c'est la merde, j'dois me nourrir. Certains aimeraient me voir courir. Ces fils de pute doivent mourir. Yeah. J'fais mon blé, j'suis mon boss. Titulaire à mon poste. J'suis en flamme, j'ai la force. Venez quoi. Yeah, poteau, yeah, il me faut les chiffres du loto, yeah, yeah, il me faut les chiffres du loto, yeah, yeah, poteau, faut que je rentre avec le butin, yeah. Radio la 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok. Vous êtes toujours dans la 25ème, 22h minuit, tous les jeudis. Émission spéciale Edinho. Ce soir, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de te recevoir. Moi aussi, ça fait plaisir merci, de venir. Merci pour la ce fort que tu nous apportes avec Touko, avec Minso. Avec Théo 2S, Nas Pacino, RTZ qui est présent. RTZ qui est présent. Et avec mon gros gars Jounes, l'homme au chocobon, l'homme ronflex. On est parti pour un quart d'heure de freestyle non-stop, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est parti. On envoie tout. Et pour les gens là, qui nous écoutent, les auditeurs, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer... je sais pas, vos avis, vos commentaires sur les émissions, nous on prendra tout en compte pour les prochaines. Voilà, big up, freestyle et Edinho, émission spéciale, show. Eh, tu veux une prod de mon gars, Sasori? Eh, Sasori, eh, tu connais ou pas? Eh. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. Freestyle en 10 la 25ème. Y'a Chao Jeunesse qui prennent l'antenne. S'il faut poser, on est hal. Le talent, faut qu'on l'étale. On les a pris de vitesse, on leur met des tempêtes. L'inspecteur se demande ce qui se passe dans la tête. Pécan, T-Max, Raptor, gros fer, on va bien faire du grabuge. Les junkies, eux font de la luge. Très renois, mais de s'en mêler. Si je rentre dans le rap, casse la mêlée. Je vais péter les watts, tu peux péter. Si je néglige le fond et je vais dans la force, c'est juste dans le but de les choquer. Rizzo derrière moi, Chao derrière moi, y'a même Elio de la favela. 22h minuit. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. Ok. Eh, c'est parti mon gars. Lille dimanche au quartier, on est là, ouais. Eh, écoute. Premier son, exclu du projet. Eh. Si tu rentres dans le bail, eh. Si tu rentres dans le bail, eh. Si tu rentres dans le bail, si tu rentres dans le bail, si tu rentres dans le bail, si tu rentres dans le bail, dans le truc faut pas t'adoucir. Il pleut des punchlines, mais le parfum faut te vêtir. Trop de fous pour ton petit peu à l'arrêt de bus. La peuf t'a fait planer comme Jordan au Red Bull. La fille caillée dans le bang, c'est le big rappeur Robert. La salle est cachée, la canine ne peut plus rien faire. Je me vois dans mes rêves au volant d'un RS7. Ici c'est le Far West, mercenaire on est 7. Tu dis tout à ta mère, tu dis rien au commissaire. Donc c'est la guerre, t'as fait porter les armes. Ah, j'aurais peut-être dû le faire. La rue t'appelle, donc t'as voulu faire de l'argent. T'avais pas le cran, le médecin t'a mis sous calmant. Je les ai vus rapper, j'ai dit c'est quoi cette mascarade. Comme l'a dit Guéry, je suis venu pour mettre en culade. Le feu est bonifié, on vient se prolibérer. Si on débarque dans ta fête, ça sera pour mettre le paquet. Je vois les petits charbonnés, arpenter le rinté. Juste dans le but de se cotiser, la mala on aime ça. Hennessy remet ça, les grosses cartes on aime ça. La bague on la met pas, monde voir à la bac. Le contrôle il est banal, le toucher est rectal. La masse c'est anal, le dimanche sur FC on se croirait à Bali. Ça fait l'aller en I, ça tourne 2,5. Ça fait des mois que je dormais, je suis revenu pour kicker. Le hack il sera parfait, ma mère est partie, ouais je remonte à bande. Je l'ai bien mise, ouais, au fond de la fente. Sur un gars ils sont 20, sur une go ils sont 30. Pas de fond d'attente et ça vient faire les indépendants. Et Digno, Digno poteau, ouais. 238. Ah Digno, les gars, s'il y en a qui veulent kicker, Touko était au 2S, Ridvo, Pacino, venez kicker les gars, venez. Et Digno, vas-y toi 2S. Lâche un bail mon reu. Pull up ça chaud, pull up ça chaud. T'es au 2S, il était pas prêt mon gars. Tu veux que je commence? Vas-y, t'enchaînes après aussi après lui. Vas-y, je t'attends mon reu. Eh, ok. Y'a de la meca dans le hood, y'a des meurs dans le hood, y'a de la bécane dans le hood, tu trouveras ce qu'il faut dans le hood, dans le hood, dans le hood, tu trouveras ce qu'il faut dans le hood. Elle tape dans la repu, elle tape dans la repu, ouais. Elle tape dans la repu, ouais. Elle tape dans la repu, ouais. Elle tape dans la repu, fait tourner la cocaïne, je me suis fait dans la douleur, non plus non gain, même sur le beat, on est sans gants, on le fait sans gants, on a besoin d'argent, pour la mentale, un peu d'acharnement, le comportement, pour les faire autrement, bang. Hey, j'ai tout donné pour mon squad, hey, sur le raté dans le stade, hey, pas plus prisonnier dans un stalag, hey, je ferai la couverture du mag, bang, hey, je vais tellement briller, t'auras mal aux yeux, tu te prends au-dessus de moi, vas-y fais un peu, je vais chanter ta biche, c'est pour ça qu'il pleut. Avec la DT on obtient ce qu'on veut. 40 degrés, je mets la barre haute, c'est mon plan, c'est t'as le tarot. La quête à 2-5 c'est le tarot. Hasba mes frères et ça t'arrose. Beaucoup de méga va s'en fume. Beaucoup de méga va font des thunes. Tu vois de quoi je parle, tout ça c'est la rue. C'est la rouge des barres sont restés à l'affût. Rester à la fuite. Hey, hey. 22h minuit. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. Mets de la weed dans le mélange. Parle pas du bis dans les salanges. Ouh. On veut faire du bruit, ça les dérange. Ouh. Ça parle des filles qui disent pas non. Non. J'ai fait mes passes sans attendre, tu s'apprêtes. J'attends pas la médaille, j'en ai déjà trouvé. Ceux qui paient, c'est le travail. Soit tu claques ou t'as compris. Bélex, tu dailles, tu vas rien emporter. On monte dans les tours pour entrer dans le tas. J'vois tout le monde pas content, veut le brûler l'état. Marre de payer les taxes, j'vois le pouvoir des médias influencer tes choix. Ouais. Tu veux pas être un mouton et t'as ta télé, crée ton propre opinion. Ça paraît simple, c'est tout con. Manipuler, c'est pas des poules mais des phares aux pigeons. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. 22h minuit. 22h minuit. 22h minuit. La 25ème. La 25ème. Eh. Vas-y, mets la suivante. Eh, celui-là, je veux. Oh, quand tu me suis, t'as pas le choix sur celle-là. Pacino. Après, ça va la pull-up pour Rizzo. On est là. Ouais. On relève les compteurs. Jacteur, menteur, suceur, on les baisse. Toute la matinée, j'ai tourné dans le bang. Dans le bang. Sors du lourd, j'attendrai pas que tu te braquer le rap serait plus rentable que se faire. La mélo, le peur, on aime ça. La bécane, on aime ça. Le bédo, la baïda. Dans le bendo, y'a tout ça. Pas attendu qu'on me sonne les cloches. Ouais, ouais, ce que t'as fait bien dans ta sacoche, et dans ma poche. À mes poches, par moins 3 calés sous le porche. La soupe qu'on tourne le bas de portier a cramé leur lampe torche. Y'a du sang sur leurs mains, de l'argent sale dans le palmain. Yasmine fait la halal, elle s'est fait oui par Aladdin. On devient mieux, Elvis elle l'a en mieux. L'oseille faut le claquer, bah ouais, on n'emporte rien aux cieux. C'est réel, pas de mytho. On a revu les giros. Des frères finissent au Heps pour avoir vendu du bédo. Non, c'est pas chez nous, c'est hey. Tout. Yo, wow, hey. Depuis tout petit, la débrouille. Les schmitters passent casse les couilles. Yeah. J'suis dans la zone des cafetons. Innocent dans la jungle comme Bambi. J'traverse le truc comme un zombie. J'ai ouais. Déclenché l'effet domino. Ouais, ouais. Ma tête en Géronimo. Tu veux percer, tu n'as pas les mots. On n'est jamais mieux servi qu'en solo. Elle me dit Pacino, Pacino. Hey. Sors avec moi, je dis non. No, no. À l'ancienne Atemi, maintenant Croco. J'suis dans la jungle avec mes animaux. Y'en a qui disaient que j'avais pas de niveau. Je le bif pas toi, donc y'a qui proco. Ouais. Vent chaud de l'enfer, j'roule mon sirocco. Ouais. Yeah. Hey. Yo, yo, hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ton bon, ça sert à rien. Est-ce que tu continues que le game je pense à rien? Appelle-moi Poutine. J'appelle ça une routine. T'as fait l'homme, j'ai fait le bourrin. J'étais bête. Nous on est parisien. J'te donne les cartes à main, mais jamais la raison. Mon pote m'a dit que ce matin Lucie a volé sa maison. Comprends, prendre un cheat mino, perdre la raison. J'ai trouvé la raison pour te bannir le chantier. Pas de CDI dans la salle, j'ose des chantiers. Madame est belle et bonne, j'suis ravi donc à chanter. Pourquoi tu m'aimes pas? T'écoutes mes sons, j'te fais chanter. Fais pas les paroles, mais tout est endetté. On connaît la misère quand j'suis tombé, elle m'a relevé. Et j'oublie pas maman, je t'aime, t'es mon bébé. Tu l'as appelé mon frère quand t'es tombé, il t'a baisé. Ouais, je sais ce que c'est de lutter quand sa mère sort pour sa mère sans potage. J'ai suivi la route dans laquelle y'avait aucune lumière, aucun réverbère, n'est jamais trop scouté le champ, bisous moi j'ai pour une trêve, vrai frère. Ouais, si tu vois que j'éclate un mec, c'est sûr qu'il a mérité. J'suis pas rapport à Martin Luther, mais le malin observé va vérifier. J'ai lâché des lyrics encore plus que celle de l'armée russe. J'étais de ceux qui restaient improvisés tard sur l'abribus. On a tous craqué dans un grec à 5, mais viens taper ton croc. Ouais, noyer nos bottes dans un verre à vin. En apnée, en crawl, je n'ai pas un douche pour les prochains soutiens. Impossible de quitter la brine. Ouais, j'ai des intérêts de soutien. Mais les blessures en ville, l'islam l'ont dit les sages. Edinho. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. Bang! La 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. C'est ça les gars. Si si si, merci Eddy, merci merci merci merci mon pote. Wesh, y'a du monde ou quoi? Vous êtes chaud les gars. Rizzo est chaud. Si si si si. Bah tu sais quoi, tu sais ce qu'on va faire? Il y avait un son que je voulais mettre tout à l'heure qui est issu de ton projet. Vas-y, ouais, je freestyle moi. Le son c'est Sorcellerie. Ouais. Du coup, je pense que ce serait bien de le mettre pour terminer l'émission, ouais. Et après on rend l'antenne. Qui sont exclus avec toi-même, Chao, et Théo2S qui était là ce soir aussi, qui est là. Après, je freestyle, moi. Après, Jounes, gros freestyle. Aye. Après, freestyle de Jounes en direct sous le pont battant. Venez, venez, c'est là-bas que ça se passe. Ah. En tout cas, merci Edinho, merci d'être venu. Touko, merci de mon rien. Pote. Merci bien, merci. Minso. Écoute, écoute. Rizzo, Théo2S, merci d'être venu. Calme-toi, yo. Calme-toi, Jounes. Un. Retrouvez-nous le jeudi prochain, 22h minuit, on est là aussi. Check, check. Pas. On termine. Edinho, Chao, Théo2S, Sorcellerie. Je suis chaud là. Big up. Wait for it. YJ Production. De la sorcellerie, de la sorcellerie. Dans le fond du bat avec mes amis, on leur fait de la sorcellerie, ouais. On leur fait de la sorcellerie, ouais. On leur fait de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la sorcellerie. Dans le fond du bat avec mes amis, on leur fait de la sorcellerie, ouais. On leur fait de la sorcellerie, ouais. On leur fait de la sorcellerie. Toute l'équipe est au carré. Le 3-5 c'était dans le bail. Beau détail, faut qu'on maille, faut qu'on style. Trop d'ennemis, peu d'amis, j'suis dans l'impasse. Dans le rap, j'rêverais de laisser ma trace. Tape une trace, tes sales putes, va faire ta passe. Le squad des négros, l'attitude des pressons. Ils connaissent ton entrejambe, pas ton nom. Pas ton nom, t'es habité par un démon. Ouais, ouais. Fait le vaillant dès qu'il en a l'occasion. On déclare les bails sur sa sœur. Il devient moins loquace. Il devient moins loquace. On part de la base. Accélère, embrayage. Et Enzo lâche un coup de gaz. On vit la nuit. On rêve la nuit.